Ésaïe chapitre 32. Voici, un roi régnera en justice, et les princes présideront avec équité. Et ce personnage sera comme le lieu, auquel on se retire à couvert du vent, et comme un asile contre la tempête, comme sont les ruisseaux d'eau dans un pays sec, et l'ombre d'un gros rocher en une terre altérée. Alors les yeux de ceux qui voient, ne seront point retenus, et les oreilles de ceux qui entendent, seront attentives. Et le cœur des étourdis entendra la science, et la langue des becs parlera aisément, et nettement. Le chiche ne sera plus appelé libéral, et l'avare ne sera plus nommé magnifique. Car le chiche ne prononce que chicheté, et son cœur ne machine qu'iniquité, pour exécuter son déguisement, et pour proférer des choses fausses contre l'Éternel, pour rendre vide l'âme de l'affamé, et faire tarir la boisson à celui qui a soif. Les instruments de l'avare sont pernicieux. Il prend des conseils pleins de machination, pour attraper par des paroles de mensonge les affligés, même quand le pauvre parle droitement. Mais le libéral prend des conseils de libéralité, et se lève pour useur de libéralité. Femme qui êtes à votre aise, levez-vous, écoutez ma voix, fille qui vous tenez assurée, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un an et quelques jours au-delà, vous qui vous tenez assurée, serez troublés, car la vendange en manquera, la récolte ne viendra plus. Vous qui êtes à votre aise, tremblez, vous qui vous tenez assurés, soyez troublés, dépouillez-vous, quittez vos habits, et vous saignez de sac sur les reins. On se frappe la poitrine à cause de mamelles, à cause des champs désirables, à cause de la vigne abondante en fruits. Les épines et les ronces monteront sur la terre de mon peuple, même sur toutes les maisons où il y a de la joie, et sur la ville qui s'égaie. Car le palais s'en va être abandonné, la multitude de la cité s'en va être délaissée, les clés du pays et les forteresses, seront autant de cavernes toujours, là se joueront les ânes sauvages, et les petits y pétront. Jusqu'à ce que l'esprit soit versé d'en haut sur nous, et que le désert devienne un Carmel, et que Carmel soit réputé comme une forêt. Le jugement habitera au désert, et la justice se tiendra en Carmel. La paix sera l'effet de la justice, et le labourage de la justice, sera le repos et la sûreté, jusqu'à toujours. Et mon peuple habitera en un logis paisible, et dans des pavillons assurés, et dans un repos fort tranquille. Mais la grêle tombera sur la forêt, et la ville sera entièrement abaissée. Oh, que vous êtes heureux, vous qui semez sur toutes les eaux, et qui faites aller le pied du bœuf et de l'âne.